Chapitre 10e. Le consentement de M. de Carlepont obtenu, Philibert ne perdit pas une heure pour hâter l'exécution de son projet. Sa position le lui rendait plus difficile. Il lui fallait dispenser une autorisation personnelle et spéciale pour entrer dans une communauté religieuse où l'on sait que les femmes en pouvoir de mari ne sont pas admises. Elle partit pour Rome, munie de lettres pressantes écrites par un haut dignitaire de l'Église qui reçut sa confession, et alla se jeter aux pieds du Saint-Père. Elle fut éloquente dans son repentir et son ardeur et plaida sa cause avec la foi d'une âme qui voit son salut dans les pratiques austères de la religion. Son zèle et son amour du sacrifice l'emportèrent. Un jour, elle put écrire à M. de Carlepont que ces dispenses qu'elle sollicitait de la cour de Rome lui avaient été accordées. Elle était libre de prononcer des vœux temporaires et de se consacrer à Dieu. Sa lettre respirait la joie la plus profonde et la plus sincère. Philibert la suivit de près. « L'ombre m'attend, je suis sauvée, » dit-elle au duc. Elle ne pleura qu'en embrassant Henri. Il y avait à cette époque, dans la petite ville de M, une maison de religieuses libres qui s'employait avec un zèle et une charité qui était pour tout le monde un sujet d'admiration à l'éducation des enfants pauvres et au soulagement des malades. Quand elles n'avaient rien à donner, ces saintes femmes portaient le secours de leur exemple et de leur douceur aux infirmes et aux affligés. Elles n'étaient que 10 pour les soins et les dévouements qui eussent épuisé le courage d'une nombreuse congrégation. Philibert fut la 11e. Ce fut avec une joie sincère qu'elle revêtit la robe noire et le voile blanc. En s'infligeant le lourd fardeau du renoncement, elle se sentit soulagée. Elle avait cette douce et forte conviction que ce qui l'éloignait de son fils bien-aimé l'en rapprochait en esprit. Le jour même de son entrée dans la sombre maison surmontée d'une croix, elle se plia avec sérénité à tous les devoirs austères de la règle. Elle ne dévia plus du sentier où elle était entrée. La première lettre que M. de Carlepont reçut l'attendrit jusqu'aux larmes. Il dut en examiner l'écriture pour se bien persuader qu'elle était de Philibert. L'esprit de mansuétude et de miséricorde s'en exhalait comme un parfum. Elle termina cette lettre par ces lignes. Ma tâche est bien légère. Je me lève à 5 heures et dès le premier moment, je trouve l'emploi de mon temps. Une prévoyance ingénieuse et sainte en a distribué tous les instants pour que l'ennui ou la fatigue ne puisse y glisser. Ils appartiennent aux pauvres, aux infirmes, aux petits-enfants, à tous les déshérités. La récompense y suit pas à pas chaque effort. J'ai tout le long du jour et sous la main des êtres qu'il faut préserver du mal, et qui m'accueillent comme si je leur apportais le pain qui fortifie le cœur. Les enfants, et il en entre dans la maison par troupe, font ma joie, mes délices. On est sans cesse à s'occuper d'eux, et jusqu'à leurs pleurs que j'apaise dans mes bras, tout en eux est grâce et douceur. Qu'elles sont loin les fatigues du monde, et que je me sens moins lasse qu'autrefois quand je me couche après une journée dont pas une heure n'a été perdue. Lorsque j'ai autour de moi toutes ces têtes blondes ou brunes qui me payent de mes soins par leur babil et par leurs caresses, ma pensée se retourne au rocher. Elle y voit des sourires, elle y entend des cris, elle y retrouve une image qui la fait tomber dans des ravissements, et le premier enfant qui passe à portée de mes mains, je le serre entre mes bras en murmurant tout bas le nom de Henri. Monsieur de Carlepont aima sa femme du moment qu'il ne la vit plus. D'autres lettres suivirent cette première lettre. Elles étaient imprégnées de la même douceur pénétrante et sereine. Philibert n'y parlait jamais d'elle-même. La pensée de son mari et de son fils en remplissait les pages. Elle avait toutes les richesses dans sa pauvreté et tous les contentements dans son abandon. Ses lettres jetaient le duc dans de grands étonnements et de singulières méditations. L'une d'elles portait en post-scriptum ces quelques mots. « Et vous, mon ami, ne pensez-vous pas que vous avez aussi quelque chose à faire ?» Ce jour-là, Pierre partit pour la chasse et n'en revint que fort tard dans la nuit. Sa marche l'avait conduit du côté de Bray. Il y était tombé dans de longues et graves méditations. Un matin, M. de Carlepont monta en voiture avec le petit Henri et se fit conduire à M. Le premier passant qu'il rencontra lui enseigna la maison des religieuses. Il prit l'enfant par la main et s'y rendit. Les offices venaient de commencer au moment où on atteignit la porte. Il entra dans la chapelle. De longues files d'enfants, dont le plus âgé n'avait pas 12 ans, étaient rangés dans le chœur, les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Auprès d'eux, il y avait une religieuse qui priait un bréviaire à la main. Son aspect frappa M. de Carlepont, qui ne la quitta pas des yeux. Sa robe noire aux plis roides et anguleux avait de la grâce, sa pose une élégance où l'on sentait le reflet du monde. Henri toussa. La religieuse tressaillit et tourna la tête. Le duc venait de reconnaître Philiberte. C'étaient les mêmes traits, mais ce n'était plus le même visage. Monsieur de Carlepont voyait bien que c'était Philiberte, et il croyait la voir pour la première fois. Le feu de ses yeux s'était adouci. Il y avait un éclat en quelque sorte tendre et onctueux. Elle enveloppa le père et l'enfant, l'enfant surtout, d'un regard rempli de choses profondes, puis ramena lentement ses yeux sur le livre qu'elle avait aux mains. Au mouvement léger de ses épaules, on pouvait croire qu'elle pleurait. Les offices terminés, les petits écoliers se levèrent et firent un peu de bruit en se rangeant par groupes. Leur gaieté étouffée remplissait la voûte de doux murmures. On leur dit le ramage confus des oiseaux avant le jour. La religieuse qui les conduisait surveillait leur marche paisiblement. Il semblait que ce fût un essaim d'abeilles ayant pour guide une colombe. Comme le jeune cortège approchait du duc et de son fils, M. de Carlepont saisit Henri par la main et le fit mettre à genoux. Philibert ramena le voile blanc sur son visage pour qu'on ne vît pas les larmes qui couvraient ses joues. Ses doigts, qui égrenaient un chapelet, tremblaient. Une porte s'ouvrit dans un mur latéral et tout disparut. La religieuse, qui marchait derrière le troupeau, s'était retournée un instant. À quelques jours de là, on apprit tout à coup dans le pays que M. le duc de Carlepont était complètement ruiné. Ce fut un grand étonnement d'abord, mais les personnes qui ne pouvaient pas croire à la vérité de cette nouvelle virent bien à la conduite du duc que rien ne lui restait de cette fortune dont personne, son notaire compris, ne connaissait exactement le chiffre. On se perdait en conjectures sur les causes d'une ruine si soudaine et si radicale. Quelques voisins interrogèrent M. de Carlepont. Il prit un air d'indifférence et haussant les épaules. « Il y a des banquiers, » dit-il. Une crise politique qui venait d'entraîner la déconfiture de plusieurs maisons considérables de Paris donna crédit à cette réponse. Il était clair que M. de Carlepont avait mal placé sa confiance. Les gens habiles du département hochèrent la tête et prirent un air capable. « Voilà où mènent les valeurs mobilières, » dirent-ils. « Si au lieu de mêler ses capitaux à des entreprises qui promettent de grands revenus, il les avait assis sur le sol, M. de Carlepont sera encore un grand propriétaire. » Mais non, c'était un homme à ne jamais demander de conseil. Les commentaires après coup et les remontrances ne manquèrent pas. Les plus avisés, cependant, supposaient qu'il lui restait quelque part assez d'argent pour faire figure en province. Il fallut encore en rabattre. Quand on vit mettre en vente le rocher, ce fut pour le bon monsieur Donatien un coup terrible. Vendre le château où il avait pu longtemps se croire le maître absolu, c'était un malheur dont la pensée l'effrayait. Que deviendraient les serres, les fleurs rares, les vergers, et ce pavillon dont la feu duchesse avait eu la pensée et qu'on voyait s'élever lentement à l'extrémité du parc? Et de plus, il faudrait-il quitter ces lieux paisibles où tant d'années avaient fait succéder autour de sa tête chauve et sans qu'il en connût les rigueurs, les froids de l'hiver aux abondances de l'automne. M. Donatien ne fut un peu rassuré que lorsque M. de Bléré, qui se rendit acquéreur du rocher, le pria de conserver ses fonctions et de tout continuer sur le pied d'autrefois. « Je ne demande au rocher, lui dit le breton, que ses bécassines. » Ce dernier mot calma le vieil intendant qui ne chassait jamais. M. de Carlepont étonna la contrée et ses plus anciennes connaissances par la grande tranquillité qu'il fit voir après le coup qui le jeta par terre. Aucune plainte, aucun regret, mais au contraire une liberté d'esprit, un air de bonne humeur, qui pouvait faire supposer qu'il était débarrassé de 1000 soucis. Il agissait en toute chose comme un homme qui ne porte plus un poids dont longtemps ses épaules ont été écrasées. On crut d'abord à un rôle que son orgueil lui imposait, et on pensa qu'on surprendrait bientôt dans ses allures les mouvements d'une âme blessée. Il n'en fut rien. Tel il parut le jour où la nouvelle éclata, tel il se montra le jour où il rendit visite à ses voisins pour leur faire adieu. Il avait un air d'aisance qu'il ne se démentit jamais. On apprit que M. de Carlepont allait s'établir dans une cabane qu'il possédait dans une province voisine. Cette cabane, ainsi qu'il l'appelait, se nommait la Cormelle. Il en donna une description dont plus tard on eut occasion de reconnaître l'exactitude. Quelques bonnes âmes lui serrèrent la main avec attendrissement. On vit sur certains visages l'expression de la pitié. Les maîtresses de maison bourraient de friandises le petit Henri qui accompagnait son père dans ses dernières visites et qu'elles prenaient sur leurs genoux. Elle l'embrassait en soupirant. Quoi ? Plus rien qu'une chaumière pour un enfant qui avait eu tout à profusion, et dans quel pays, cette chaumière ? Ne nous plaignez pas, dit le duc, je me tiens pour le plus heureux des hommes. Quel fou ! Dit un magistrat. Les visites faites, M. de Carlepont partit pour la Cormel avec M. de Bléré, qui voulut l'installer. Henrion était trop jeune encore pour sentir quelle différence il y avait entre sa situation d'autrefois et celle que la fortune lui réservait. Bien plus même, le changement et la nouveauté lui plurent et le disposèrent à la gaieté. Ainsi que les oiseaux, les enfants ont besoin de mouvement. Henrion remuait, c'était déjà quelque chose. Puis il gagnait d'être débarrassé des vêtements de velours et de soie dans lesquels sa mère, et après Madame de Carlepont, la personne qui avait pris le gouvernement de la maison, emprisonnait ses membres délicats. À la Cormel, plus de belles étoffes et de dentelles, mais de la bonne toile en été, du gros drap en hiver, des sarraux en toute saison et la liberté de grimper aux arbres. Cela valait bien quelques gâteaux qu'on n'avait plus. Henri aimait sa mère tendrement, mais la duchesse avait dans son attitude et ses longs silences, d'où chaque jour elle sortait plus triste et plus pâle, quelque chose qui glaçait l'enfant et le comprimait. Plus tard, à Paris, ils n'avaient presque pas eu le temps de se voir. Ils respirent mieux à la Cormel, en quelque sorte plus abondamment. Au bout d'un très petit nombre de jours, il eut véritablement 6 ans. Ce fut un éclat de rire. Il ne fut guère plus de 48 heures pour être sur le pied de la plus étroite intimité avec la Bigorne, qui lui fit présent d'une galette pour son premier déjeuner. Noël conquit toutes ses sympathies en lui confectionnant le dimanche d'après le plus beau cerf-volant qu'on eût encore vu dans le pays. Au bout du mois, entouré de légers instruments avec lesquels il eut toute liberté de bouleverser un carré de terre, maître d'une escarpolette et d'un trapèze qui figurait dans un angle de l'enclos, propriétaire en chef d'une chèvre qui lui donnait son lait familièrement, et ami particulier de Blaireau qui têtait encore, Henri déclara d'un air de conviction que la chaumière était beaucoup plus belle que le château. La dépendance dont il jouissait lui faisait même trouver le jardin plus vaste que le parc. La Cormel fit oublier le rocher. 8 jours après son installation, le duc vivait comme on l'a vu au commencement de ce récit. Il chassait, pêchait, se levait tôt, se couchait de même, travaillait beaucoup et mangeait de bon appétit. On eût été en peine de reconnaître dans le braconnier qui faisait au canard des étangs une si rude guerre le gentilhomme qui avait étonné Vienne et Madrid par son luxe.